Cher Simone, de Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Maucor. J'en ai marre d'être la boniche. La boniche. Mail de j'en ai marre d'être la boniche. Angela, 43 ans. J'en ai marre d'être la boniche. Simone de Beauvoir. Cher Simone, j'en peux plus. Je rentre des courses, je me dépêche de décharger le coffre, les filles trépignent dans leur séjoto, et sur quoi je trébuche ? Posé en évidence, à côté de la machine à laver, le sac de sport d'Anthony, rempli de ses habits crottés. Tu crois qu'il aurait pensé à lancer une lessive ? Non, bien sûr, c'est mieux que je m'en occupe vu que j'excelle en la matière. Un peu comme tout ce qui concerne le ménage ou les enfants, d'ailleurs. Et lui, je le retrouve, là, vautré sur le canapé, une trace de bière sur la table basse. Et là, tout sourire, il me dit que ce serait sympa d'inviter les voisins à l'apéro samedi prochain, qu'il a bien envie de les épater avec son bœuf bourguignon. En revanche, il n'a rien prévu pour ce soir. Va falloir que je m'en charge pendant que les petites prennent leur bain. À lui, la gloire du plat mijoté pour les invités. À moi, les purées. Je me retiens pour pas exploser. Sous peine de passer une fois de plus pour une mégère. Attention, hein, je dis pas qu'il ne fait rien du tout à la maison. Surtout qu'il est très pris avec son travail et moi, bon, je suis qu'en 4/5e. Mais généralement, quand il touche un torchon ou passe l'aspirateur, c'est parce que je lui demande. Et c'est limite si je dois pas lui faire une démo avant, hein, et applaudir à tout rompre quand il a terminé. Ça m'épuise. Quand je vivais seule, je me posais pas la question du ménage. Mais depuis que je suis mariée et que les petites sont là, je suis toujours à ranger et à astiquer. Je m'enferme de plus en plus chez moi, alors que je préférerais voyager, apprendre espagnol ou voir mes amis. Simone, comment toi et tes copines faites-vous pour gérer votre maison ? Est-ce que tu crois que je dois juste lâcher prise et me résoudre à vivre selon ses critères de propreté à lui ? J'ai vraiment besoin de tes lumières. Je t'en supplie, réponds-moi vite. Ça va pas du tout. Angela. Réponse de Simone de Beauvoir à Angela. Chère Angela, tu frappes à la bonne porte, mon petit. J'ai beaucoup à dire sur la répartition des tâches ménagères dans un foyer. Le déséquilibre que tu évoques, c'est malheureusement le lot de bien des épouses. Bien souvent, une fois le couple installé, l'homme se réalise à l'extérieur, tandis que la femme se consacre aux devoirs domestiques. Elle renonce au monde pour conquérir sa maison. Un peu étroit comme univers, non ? En plus, les tâches ménagères sont nombreuses et répétitives. Je n'y vois pas matière à épanouissement. Alors ma solution, c'est de les ignorer. Tu me verrais chez Nelson quand il se met à la vaisselle. Je fais celle qui n'est pas concernée. Je m'installe sur son lit avec mon stylo et mon carnet. Ça l'énerve un peu, mais c'est ma règle. Je m'y tiens. Chez moi, c'est autre chose. J'accepte que ça ne soit pas parfait. Je m'adjoins l'aide d'une personne dont c'est le métier quand ça devient nécessaire. Évidemment, je la rémunère. Mais je sais bien que l'argent ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. C'est pourquoi je te conseille de miser sur ton indépendance financière quitte à repasser en temps plein pour couvrir les dépenses qui te permettront de t'épanouir et de te simplifier la vie. Bien sûr, si vous faites appel à une femme ou à un homme de ménage, j'entends bien que ton mari mette aussi la main au porte-monnaie. Bise de ton amie Simone. PS, je mets Doris en copie. Message de Doris Lessing à Angela. Dear Angela, je me doute en découvrant ton message que tu n'aimes pas plus les travaux domestiques que moi. Pourtant, tout comme toi, je connais bien le mal de la ménagère. Tu sais, cette tension inutile qui nous envahit le crâne et nous rend irritables lorsqu'on liste mentalement tout ce qu'il reste à faire. D'ailleurs, un jour, prends le temps de comptabiliser les heures que tu passes à anticiper ces tâches et à les réaliser. Tu verras que ton travail domestique ajouté à ton 4/5e écrase largement le temps plein d'Anthony. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Anthony abuse, c'est sûr, mais est-ce que tu n'as pas laissé cette situation s'installer ? Eh oui, pour éviter les conflits, des fois c'est plus simple d'accepter de trimer. Mais ne prends pas ça comme un reproche. Je sais à quel point il est difficile d'échapper à l'injonction de perfection que nous adresse la société. Tu sais, le combo super-maman, super-femme d'intérieur et super-amante. Virginia parle avec justesse du danger d'être l'ange du foyer. Je la laisse t'expliquer. Quant à moi, Angela, je t'embrasse. Doris. Reply to Angela from Virginia Woolf. Ma chère Angela, j'ai tout de suite repéré ton prénom. C'est une évidence. Pour Anthony et vos filles, quand tu es dans la place, l'ange est là. Tu protèges le foyer. Tu le rends beau et confortable. Quand j'étais enfant, ma mère Julia aussi était l'ange du foyer. Elle faisait tout, à tel point qu'elle est morte prématurément à 49 ans d'une grippe. À ton avis, qui s'est alors occupé de tout à la maison? Ma demi-sœur Stella, puis ma sœur Vanessa, et moi. Pendant ce temps-là, mes frères Toby et Adrian étudient à Cambridge, et mon père était plongé le nez dans ses livres. Quand je me suis mariée, je n'ai surtout pas voulu reproduire ça. Mais pour cela, je dois très souvent me battre contre une partie de moi-même, l'ange du foyer qui tente sans cesse de me ramener dans mon rôle de femme d'intérieur, alors que je souhaite écrire. Mais je veille. Quant à ta situation, je suis d'accord avec Simone. C'est important de gagner un salaire suffisant. Mais je te recommande surtout d'installer une pièce chez vous qui te sera dédiée. Tu pourras désinvestir la cuisine et te concentrer sur ton univers, tes projets, tes envies. Tu pourras t'y adonner à tes passions, prévoir tes futurs voyages, étudier l'espagnol, penser. Chère Angela, libère-toi, découvre tes propres dimensions et refuse les entraves. Ta vie t'appartient. Sincèrement, ta Virginia. C'était Chère Simone de Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Maucor. Avec Dominique Raymond, Luce Mouchel, Christiane Cohen-Lee, Aurélia Petit et la voix de Duncan Evenu. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot et Emmanuel Armand. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois.